Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 122. Des préceptes de la justice. Les préceptes du décalogue sont des préceptes de la justice. Examen de chacun d'eux. 1. Les préceptes du décalogue sont-ils des préceptes de la justice? Les préceptes du décalogue, premier principe de toute loi, et auquel la raison naturelle donne immédiatement son assentiment commun des axiomes, sont des préceptes de la justice, on le voit en les parcourant en détail. Tous nous mettent en rapport avec autrui. Les trois premiers se rapportent aux actes de la religion, partie supérieure de la justice, le quatrième, aux actes de la piété filiale, seconde partie de la justice, les six autres, aux actes de la justice ordinaire, qui s'exercent entre égaux. Note. La loi divine a pour but de rendre les hommes vertueux, en procédant par ordre, elle a dû proposer d'abord, comme plus évident que les autres, les préceptes ou l'idée de dette est renfermée. Quoique ceux du décalogue aient la charité pour fin, selon cette parole de l'apôtre, la fin de tout précepte est la charité. 1 Timothée 1, 5, ils n'en appartiennent pas moins à la justice, dans le sens qu'ils ont pour objet immédiat les actes de cette vertu. Fin de la note. 2. Le premier précepte du décalogue est-il convenablement établi? Oui, l'autorité même de l'Écriture en est une preuve irrécusable. Exode 20. Une loi dont l'objet est d'engendrer des hommes vertueux et bons, n'avait pas de meilleure marche à suivre que celle de la génération naturelle, ou la partie principale. Par exemple, le cœur dans les animaux, est toujours produite la première. Le décalogue devait, en conséquence, poser comme fondement la religion, qui porte la volonté humaine vers Dieu, notre fin dernière. De plus, dans l'ordre de la génération, la nature veut qu'on se hâte de faire disparaître les éléments contraires qui formeraient des obstacles à la production des choses. L'agriculteur commence par ôter de son champ toutes les mauvaises herbes avant d'y jeter sa semence. Selon cette parole, préparez avec soin la nouvelle terre et n'ensemencez pas sur des épines. Jérémie 4:3. La loi devait donc enlever d'abord le premier obstacle à la vraie religion, le culte des fausses divinités. C'est pourquoi, suivant cette autre parole, vous ne pouvez servir Dieu Mammon, il fallait, après avoir instruit l'homme sur la vertu de la religion, proscrire l'adoration des faux dieux. Note. Les diverses nations pratiquaient de deux manières le culte des dieux étrangers. Les unes n'avaient point de simulacre, comme Varron le rapporte des anciens Romains. Leur culte était d'abord défendu par ces mots, « Vous n'aurez pas de dieux étrangers ». Les autres employaient des images et des représentations. La confection des images idolâtriques était prohibée par ces autres paroles, « Vous ne ferez point d'images sculptées ». L'honneur rendu à ces images était pareillement proscrit, « Vous ne les honorerez pas ». Toutes les autres superstitions, qui procèdent d'un pacte tacite ou explicite avec les démons, sont comprises dans cette seule parole, « Vous n'aurez pas de dieux étrangers ». Saint Thomas explique le premier commandement tel qu'il est conçu dans l'Exode, chapitre 20. Le second précepte, ainsi conçu, « Vous ne prendrez pas le nom de votre Dieu en vain », Exode 20, 7, défend surtout d'employer le nom de Dieu pour affirmer ce qui n'est pas. Car le jurement qui n'a pas la vérité pour fondement est essentiellement vain, et tel est le faux serment appelé parjure. De même que, quand un homme apprend une science, Le maître lui présente d'abord quelques principes généraux et ordinaires, de même Dieu a défendu d'une manière explicite le parjure, plutôt que le blasphème, qui est d'un usage moins fréquent. Fin de la note. 3. Le second précepte du Décalogue est-il convenablement établi? L'autorité de l'Écriture est décisive. Après le premier précepte, dont l'objet devait être d'ôter la superstition, principal obstacle à la religion, il fallait que le second défendît l'irréligiosité ou impiété qui, par défaut de révérence, fait de Dieu un objet de mépris, après qu'on l'a accueilli comme vrai Dieu. Si le précepte concernant la superstition précède celui qui défend le parjure et l'irréligiosité, c'est qu'il faut reconnaître le vrai Dieu avant de l'honorer. 4. Le troisième précepte du Décalogue est-il convenablement établi? Nous opposons encore l'autorité de l'Écriture. Les obstacles à la vraie religion étant écartés par le premier précepte et par le second, le troisième se présentait naturellement pour prescrire de rendre à Dieu un culte extérieur, car le culte intérieur, qui consiste dans la prière mentale et dans la dévotion du cœur, nous est inspiré principalement par la grâce invisible du Saint-Esprit. Si le culte sensible nous est prescrit dans ce troisième précepte comme le signe d'un bienfait général, qui est la création du monde, c'est que le Décalogue contient les axiomes universels de la morale. Il nous est donc ordonné par ce commandement de sanctifier le septième jour, c'est-à-dire de le consacrer spécialement au service de Dieu. La raison en est assignée à la suite du précepte, car Dieu a fait le ciel et la terre en six jours, et il s'est reposé le septième. Note. Le précepte de la sanctification du sabbat est en partie moral et en partie cérémoniel. Il est moral, en ce qu'il nous oblige à consacrer un temps de notre vie au culte de Dieu. La raison nous enseigne que, s'il faut un temps déterminé pour les repas, pour les délassements et pour le travail, il en faut pareillement un pour la réfection spirituelle que procure à nos âmes la pensée de Dieu. Il est cérémoniel, en tant qu'il détermine un temps spécial comme signe de la création du monde. Il figure dans le Décalogue comme précepte moral, et non comme précepte cérémoniel. Il ordonne de vaquer, le jour du sabbat, au service de Dieu et de s'abstenir de tout travail, c'est-à-dire, comme porte le Lévitique, de toute œuvre servile. 23, 7. Le mot « servile » vient de « servitude » et désigne les œuvres corporelles, les seules dans lesquelles un homme puisse dépendre d'un autre. Mais l'œuvre corporelle nécessaire au service de Dieu n'est pas défendue. Les prêtres qui portaient l'arche le jour du sabbat ne transgressaient aucun précepte. Les œuvres corporelles qui, sans se rattacher directement au service de Dieu, appartiennent indistinctement au maître et au serviteur, ne doivent pas non plus être considérées comme des œuvres serviles. Telles sont celles qui ont pour objet de pourvoir à ce qui est nécessaire à soi ou aux autres, par exemple, à la conservation du corps, et même à celle d'un bien temporel. La loi mosaïque portait, si vous voyez le bœuf ou la brebis de votre frère égaré, vous ne passerez pas sans les ramener à votre frère. Deutéronome 22, 1. Le Sauveur a fait l'application de ces paroles à la sanctification du sabbat, en disant, « Quel est celui d'entre vous qui, ayant une brebis, si elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne s'efforcera de la relever et de l'en retirer ?» Matthieu 12, 2. Il excusa ses disciples qui, pressés par la nécessité, avaient ramassé des épis ce même jour. Ibidem, 1. Dans la loi nouvelle, Le dimanche a succédé au sabbat, non en vertu même du précepte de la loi, mais d'après l'institution de l'Église et la coutume du peuple chrétien. La défense de travailler n'est plus aussi sévère. Certains travaux alors défendus, par exemple, la préparation des aliments, sont maintenant permis. Pour les travaux même défendus, la dispense s'accorde plus facilement dans un cas de nécessité. Fin de la note. 5. Le quatrième précepte est-il convenablement établi? L'Écriture fait autorité pour celui-là comme pour les précédents. Tous les préceptes du Décalogue ont pour but l'amour de Dieu et du prochain. Mais nos parents sont, de tous les hommes, ceux envers qui nous sommes le plus obligés. Immédiatement donc après les préceptes qui établissent nos rapports envers Dieu, devait venir celui qui règle nos devoirs envers nos parents, principe particulier de notre existence, comme Dieu en est le principe universel. Le quatrième précepte, on le voit, n'est pas sans affinité avec ceux de la première table. Note. La piété filiale, avons-nous dit, question 101, comprend non seulement tous les devoirs auxquels les parents ont droit, mais les devoirs envers la patrie et envers les proches. Le Décalogue formule les premiers principes de la loi, nous laissant le soin d'en déduire les conséquences. La longue vie promise à ceux qui honorent leurs parents concerne tout à la fois la vie future et la vie présente, suivant cette parole de l'apôtre, la piété est utile à tout, et là les promesses de la vie présente et de la vie future. 1 Timothée 4, 8. Si des personnes pieuses envers leurs parents meurent jeunes, tandis que d'autres, coupables sur ce point, vivent longtemps, c'est que, dans les vues secrètes de la sagesse divine, les biens et les maux de cette vie ne tombent sous le mérite ou le démérite que tant qu'ils se rapportent à la récompense éternelle. Fin de la note. 6. Les autres préceptes du Décalogue sont-ils convenablement établis? Il nous faut encore poser l'autorité de l'Écriture. Après les trois préceptes qui concernent la religion, c'est-à-dire nos devoirs envers Dieu, après le quatrième, qui résume dans la piété filiale les devoirs envers nos parents et nos autres devoirs envers certains particuliers. Il fallait de nécessité établir des préceptes sur la justice proprement dite, qui consiste à respecter indistinctement les droits de chacun. C'est pour cela que tous les torts que l'on cause au prochain sont défendus dans les six derniers. Ceux qu'on lui fait dans sa personne sont tous défendus en même temps que l'homicide, ceux qui se commettent, par une passion honteuse, envers une personne unie à une autre, sont défendus en même temps que l'adultère. Ceux qui atteignent les biens extérieurs sont renfermés et défendus dans le vol. Ceux, enfin, que l'on commet par parole, les détractions, les blâmes et autres semblables, sont résumés dans le faux témoignage. On demandera peut-être d'où vient que le Décalogue a des préceptes contre le désir de l'adultère et du vol, tandis qu'il n'en a pas contre celui de l'homicide. C'est que l'adultère et le vol peuvent exciter la concupiscence, l'un par l'attrait d'un plaisir coupable, l'autre par la fausse image d'un bien, tandis que l'homicide inspire plutôt par lui-même la répulsion et l'horreur. Note. Voyez ce qui a été dit dans le traité des lois, tome 2, question 105, où l'on a considéré au point de vue général de la morale ce que nous venons d'étudier au point de vue de la justice. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.